Aujourd'hui encore, c'est un dossier explosif, le dossier de l'affaire Boulin. C'était il y a presque 20 ans, un petit matin frisqué d'automne, le corps de Robert Boulin, recordman absolu de la vie ministérielle sous la Ve République, était retrouvé dans un étang de la forêt de Rambouillet. Et tout de suite, beaucoup trop vite sans doute, on affirme qu'il s'agit d'un suicide. Nous allons y revenir longuement avec M. X. Et autant vous le dire tout de suite, mon interlocuteur ne croit pas à la version du suicide. Mais, alors que M. X, depuis que je le connais, m'a habitué à énoncer des vérités péremptoires et à démêler avec habileté les chevaux de ces affaires mystérieuses dont il connaît les secrets, j'ai trouvé qu'en évoquant la mort de Robert Boulin, il était extrêmement prudent. Pourquoi ? C'est bien sûr l'une des premières questions que je lui ai posées au début de ce nouvel entretien. Toutefois, avant de vous proposer la diffusion de cet enregistrement, je crois nécessaire de vous remettre en mémoire les grandes lignes de cette affaire, telles qu'on peut les reconstituer à la lecture de la presse de l'époque. Nous sommes en 1979. Raymond Barre est Premier ministre, un Premier ministre de plus en plus impopulaire qui doit faire face non seulement à l'opposition de ses adversaires naturels de gauche, mais aussi à l'incessante guérilla menée contre son gouvernement par le RPR. Dans ce gouvernement, justement, il y a deux gaullistes, Alain Perfitte, garde des Sceaux, et Robert Boulin, ministre du Travail et de la Participation. Et tous deux, dit la rumeur propagée par les milieux prétendument bien informés, sont premiers ministrables. Le président Giscard d'Estaing songerait en effet à se défaire de Raymond Barre et à le remplacer par un gaulliste historique afin d'embarrasser le RPR de Jacques Chirac alors que se profile l'élection présidentielle de 1981. Or, curieusement, c'est au moment où la classe politique bruit de ces rumeurs que Robert Boulin est soudain attaqué dans la presse. Que lui reproche-t-on ? Grâce à un ami promoteur, Boulin aurait acquis pour une bouchée de pain 2 hectares de terrain à Ramatuel, sur la Côte d'Azur, contre la promesse d'intervention visant à obtenir des permis de construire. 2 hectares, échangés ensuite contre un autre lot déjà vendu. L'affaire est compliquée, très compliquée. Et si on y regarde de plus près, on peut sérieusement se demander si Robert Boulin n'a pas été tout simplement escroqué par ce promoteur qui se prétendait son ami. Un promoteur qui aurait peut-être été manipulé par des hommes politiques qui voulaient éliminer Robert Boulin de la scène publique. Nous verrons dans un instant ce qu'en pense M. X. En tout cas, la nouvelle éclate le 30 octobre 1979. Robert Boulin s'est suicidé. Il a choisi la mort plutôt que le déshonneur. Dans une lettre d'adieu, l'homme politique écrit en effet « Un ministre en exercice ne peut être soupçonné, encore moins un ancien ministre du général de Gaulle. Je préfère la mort à la suspicion. Que ma famille, si unie et que l'on commence à attaquer scandaleusement, se resserre encore davantage dans le souvenir non altéré que je pourrais laisser, où j'ai servi l'État et mon pays avec passion et désintéressement. » Mais est-ce vraiment Robert Boulin qui a écrit cette lettre tapée à la machine ? Très vite, on relève dans cet apparent suicide des étrangetés, des contradictions. Tandis que le débat devient politique, en particulier à cause d'une autre phrase de cette fameuse lettre, une phrase où le ministre accuse son collègue Alain Perfitte, garde des Sceaux, d'avoir été plus préoccupé de sa carrière que du bon fonctionnement de la justice. Un journaliste, Philippe Alexandre, accuse même des dirigeants gaullistes d'avoir télécommandé l'affaire de la propriété de Ramatuelle et de l'avoir communiqué à la presse, afin de ruiner la carrière politique de Robert Boulin et surtout de l'empêcher de devenir Premier ministre. De là à imaginer que ce suicide n'en est pas un, il n'y a qu'un pas que quelques journalistes franchissent allègrement. Et pourtant, malgré les nombreux efforts de la famille Boulin pour faire rouvrir l'enquête, la vérité officielle demeurera le suicide aujourd'hui encore. Dans quelques instants donc, M. X nous propose sa propre version des faits. France Inter, Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Écoutez, je préfère vous le dire d'emblée, j'aimais bien Robert Boulin. Et vous le connaissiez, c'était un ami ? Non, encore qu'il me soit arrivé de le fréquenter, professionnellement j'entends. Mais si je vous dis que je l'aimais bien, c'est que c'était un homme sympathique, un homme simple, un homme qui parlait sans détour. Il était tout d'une pièce, si vous voyez ce que je veux dire. Dire que... Il détonnait un peu, c'est ça ? Oui, dans un monde politique dur et souvent cynique, c'est vrai qu'il tranchait. Et c'est pour cette raison que vous êtes intéressé à lui ? Exactement. Quand on l'a accusé de trafic d'influence, parce que je le savais honnête, profondément honnête, parce qu'il me paraissait invraisemblable que Boulin ait mangé de ce pain-là. Mmh. Ouais, il y a quand même eu cette histoire de terrain. La Ramatuelle, oui. Une histoire pas très claire. Hein. Vous avez raison, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, vous pouvez résumer ? Eh bien, grâce à un ami promoteur, un certain Henri Tournet, Boulin a acheté un terrain sur lequel il a construit une villa. Jusque-là, rien d'extraordinaire, n'est-ce pas ? Mmh. Mais brusquement, on s'aperçoit que ce terrain a été vendu deux fois. Oui, je me souviens, mais ce Tournet a donc escroqué Boulin. Ben, ça y ressemble, non ? Mais ce qui est étonnant, c'est que des documents commencent à parvenir dans les rédactions au sujet de cette affaire par ailleurs banale. Et très vite, la rumeur enfle. Cette double vente d'un même terrain cache à l'évidence une magouille. Robert Boulin, certainement, n'a pas payé son terrain. On lui a offert. Ouais. Et pour quelle raison ? Afin qu'il obtienne des permis de construire pour les autres, pour les autres lots de garrigues qui étaient acquis par le promoteur. Donc il y a quand même un fond de vérité là-dessous. Non, je vous l'ai dit, ce n'était pas le genre de Boulin. Mais il n'empêche que le ministre a l'impression d'être pris au milieu d'une toile d'araignée. Plus il se défend, et plus les attaques se multiplient. Mais ces attaques, il faut quand même les étayer, apporter des preuves. D'accord, mais l'affaire est tellement embrouillée qu'elle donne lieu à toutes les interprétations possibles. Et puis, il y a surtout la personnalité douteuse de ce promoteur. L'ami de Boulin, enfin le pseudo-ami de Boulin, là, se tournait. Oui. En fait, c'était par leur femme que Boulin et Tournet s'étaient connus. Elles étaient amies d'enfance, et Boulin ne s'est naturellement pas méfié quand ce Tournet lui a proposé d'acheter un terrain. En vérité, c'est la seule imprudence qu'il ait commise, parce que rapidement, il s'est retrouvé ficelé. Donc, à votre avis, il s'agit d'une opération délibérée ? Bien entendu. Une opération préparée de longue date. Pour abattre Robert Boulin ? Non, pas dans un premier temps. D'abord, il s'agit de tenir Boulin. Tenir, c'est-à-dire exercer un moyen de pression sur lui. Voilà. C'est capital d'avoir dans sa manche un homme qui occupe, dans presque chaque gouvernement de la Ve République, un poste ministériel important. Et c'est Tournet qui pilote cette opération ? Non, Tournet n'est qu'un intermédiaire. Mais dans sa société immobilière, il est associé à un étrange personnage. Appelons-le le docteur N. Vous ne voulez pas donner son nom ? La diffamation, vous connaissez, monsieur Pénard ? Oui, mais c'est pour une fois, je vous trouve bien prudent. C'est vrai, mais j'ai mes raisons, voyez-vous. Tout ce qui touche à ce dossier Boulin sent le soufre. Et si je connais les grandes lignes de l'affaire, il m'est difficile de donner les noms des principaux protagonistes. J'ajoute que certains ont payé très cher leur curiosité. Qu'est-ce que vous voulez dire, par là ? Désolé, mais je ne peux rien ajouter. Bon, alors, parlez-moi de ce mystérieux personnage, le docteur N, c'est ça ? Oui, c'est un vrai docteur en médecine, plusieurs fois radié et toujours réinscrit à l'ordre des médecins, qui s'était fait une spécialité de piller la sécurité sociale. Bon, je vous passe les détails, mais dans son genre, le docteur N était vraiment très très fort. Et pourquoi Robert Boulin l'intéresse-t-il ? Parce que Boulin a été en particulier ministre de la Santé, et qu'il a été aussi ministre délégué aux Finances, vous comprenez maintenant ? Oui, moi on peut comprendre, mais est-ce que ce médecin louche a réellement fait pression sur Boulin pour favoriser ses magouilles ? Non, le docteur N n'en a pas eu le temps. Et puis d'ailleurs, je suis certain que Boulin n'aurait pas marché. Vous me dites qu'il n'en a pas eu le temps. C'est exact. Expliquez. Volontiers. En 1979, vous devez vous en souvenir, le gouvernement de M. Barre n'est pas au mieux de sa forme. En tout cas, M. Barre lui-même n'est pas particulièrement populaire. C'est juste. Et on prête au président Valéry Giscard d'Estaing l'intention de changer de Premier ministre. Et on parle, ça je me rappelle, on parle de Robert Boulin pour le remplacer. Voilà. Et au RPR, ça grince. Mais pourquoi il est RPR Parce que le ministre, même si c'est un vrai gaulliste, n'est pas tout à fait dans la ligne. Est-ce qu'il veut dire Par exemple, il fait partie des gens qui n'ont pas apprécié le lâchage de Jacques Chaban-Delmas en 1974, lors de l'élection présidentielle. Ouais. Donc, si je comprends bien, nommer Boulin Premier ministre serait donc une sorte de provocation pour Jacques Chirac. Vous avez compris. Mais vous n'allez quand même pas prétendre que c'est Chirac qui est à l'origine de cette opération de déstabilisation de Robert Boulin. Non, je n'ai pas dit ça, mais il n'y a pas que Chirac. Que voulez-vous dire ? Interrogez-vous à propos d'une récente phrase prononcée par François Léotard il y a quelques semaines, accusé, comme vous le savez, d'avoir commandité l'assassinat de Yann Pia. L'ancien ministre de la Défense a évoqué une manipulation organisée par les officines spécialisées qui sévissent depuis le début de la Ve République. Aussitôt, tout le monde a vu clair. Oui, le sac. Je vous laisse la responsabilité de ce propos. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que les dites officines se sont emparées des documents préparés par le docteur N et les ont utilisés à leur profit. Donc ces officines, mystérieuses officines, avaient des rapports avec le docteur N. Bien évidemment, tous ces gens-là pataugeaient dans le même marigot. Et je vous l'assure, ce n'est pas par hasard que ces fameux documents mettant en cause Robert Boulin ont atterri dans les rédactions. Un mot d'abord sur ce fameux docteur N dont m'a parlé M. X. Il est évoqué dans un article de l'Humanité Dimanche paru en 1989. Présenté comme étant le docteur Paul, il est accusé d'avoir escroqué une centaine de millions de francs à la Sécurité sociale, grâce en particulier à des cliniques qu'il rachetait et s'arrangeait ensuite pour mettre en déficit chronique, déficit comblé par la Sécurité sociale. Ce docteur Paul, comme l'appelle l'hebdomadaire communiste, était en effet l'associé d'Henri Tournay au sein d'une société immobilière domiciliée en Suisse, Holitour, société qui a vendu à Robert Boulin le terrain de Ramatuelle. Je me suis d'autre part intéressé à Henri Tournay. Et dans un livre publié il y a quelques années, B comme Barbouze, j'ai découvert que sous l'occupation, il avait été associé à un certain Jacques Coq. Les deux hommes exploitaient dans l'ouest de la France des coupes de bois pour le compte des Allemands, plus précisément pour l'organisation Todd, qui a construit en France le mur de l'Atlantique. Mais en réalité, cette exploitation forestière très juteuse dissimulait une activité de résistance. En effet, Jacques Coq, connu plus tard sous le nom de Jacques Focard, était bien un agent des services secrets gaullistes. Qu'en conclure ? Premièrement, Tournai connaissait très bien et de longue date Focard. Deuxièmement, il est de notoriété publique que Focard a été l'un des créateurs, sinon l'inventeur, du SAC, le service d'action civique, dissous en 1982 après la tuerie d'Auriol. Impossible d'en dire plus. Impossible surtout d'établir un lien direct entre le SAC et la ou les mystérieuses officines qui, selon M. X, auraient été à l'origine de la tentative de déstabilisation de Robert Boulin au moment où, justement, on parlait de lui comme du futur Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Bon, je crois qu'on peut en venir maintenant aux circonstances de la mort de Robert Boulin. Ouais, et tel que je vous connais, vous allez prétendre que le ministre du Travail ne s'est pas suicidé, mais qu'il a été bel et bien assassiné. Vous allez un petit peu vite en besogne. Je vais peut-être vous surprendre, mais je ne crois ni à l'une ni à l'autre de ces hypothèses. Je vous suis mal, là. Un peu de patience, je vous en prie. Et voyons l'emploi du temps du ministre avant sa mort. Le dimanche, d'abord, c'est-à-dire la veille de sa mort, Boulin a passé toute la journée chez lui avec sa famille. Et selon le témoignage de sa femme, il a tapé à la machine une longue lettre, une réponse destinée au journal Le Monde qui vient de le mettre gravement en cause. Est-ce qu'on sait dans quelle attitude d'esprit se trouvait Robert Boulin à cette époque ? Oui. Il était moralement atteint par les attaques dont il était l'objet, ça c'est sûr. D'autant qu'il pensait ne pas avoir failli à l'honneur. Mais Boulin était un battant, et d'après son entourage, il n'avait nullement l'intention de se laisser faire. D'accord, alors, le dimanche, mais la journée du lendemain, le lundi. Robert Boulin se lève très tôt, c'est une habitude chez lui, il en profite pour travailler avant de rejoindre le ministère aux environs de 9h. À partir de ce moment, la matinée se déroule normalement. Avec les membres de son cabinet, il dirige une réunion de prévision d'activité. Ouais, ce qui pourrait signifier, effectivement, qu'il n'avait pas l'intention d'en finir. C'est un indice important, en effet. Puis après cette réunion, il va qu'à ses occupations ministérielles comme si de rien n'était. Aucune allusion à l'affaire qu'il préoccupe ? Si, et là encore c'est intéressant. Il s'en entretient avec son directeur de cabinet. Et pensant qu'il va être incessamment convoqué par le juge d'instruction à propos du terrain, donc de Ramatuel, il demande à son collaborateur de prendre contact avec l'Élysée. L'Élysée, pour quelle raison ? Parce que Boulin ne connaît pas ses droits et qu'il ne sait pas comment peut se passer l'audition d'un ministre en exercice. Encore une fois, notez bien qu'il ne s'agit pas de l'attitude d'un homme qui veut disparaître. Ça, je veux bien l'admettre. Bien au contraire. Un peu plus tard, juste avant le déjeuner qu'il prend au ministère, en compagnie de son fils et de son gendre, Robert Boulin règle une affaire personnelle. Et il fait envoyer des fleurs à la veuve d'un ami qui vient de mourir. Et ça, pour vous, c'est un nouvel indice que Robert Boulin était en pleine possession de ses moyens. Ça me paraît évident, non ? Et le déjeuner avec son fils et son gendre ? Robert Boulin y est apparu comme d'habitude, solide, confiant, chaleureux. Pour tout vous dire, un seul point au cours de cette matinée peut poser question. Le ministre a fait reporter un rendez-vous qu'il devait avoir en fin d'après-midi avec un syndicaliste. Reporter, il ne l'a pas annulé, il l'a reporté. Oui. Et la suite ? Robert Boulin, après avoir reçu un député, quitte le ministère dans sa voiture de fonction. Donc, conduit par son chauffeur. Et accompagné par son garde du corps. Il se rend chez lui. Et curieusement, il fait déposer dans son appartement plusieurs gros dossiers qu'il a sortis du coffre du ministère. On a une idée du contenu de ces dossiers ? Une idée précise, non. Et pourquoi ? Parce qu'on ne les a jamais retrouvés. Ah, et que sont-ils devenus, ces dossiers ? Disparus, envolés. Volés, vous ? À l'évidence, oui. Ouais. Alors revenons à ma première question. Vous devez bien avoir, vous, un avis sur le contenu de ces dossiers. Naturellement. Et je vous l'affirme, c'est une des clés de cette affaire. Alors allez-y, je vous écoute. Eh bien, je suis persuadé que Robert Boulin avait décidé de passer à l'offensive. Soyez plus précis. Le ministre du Travail avait compris qu'il était la victime d'une manipulation déloyale. Il avait surtout identifié les auteurs de cette manipulation et il était prêt à rendre coup pour coup. Donc, ces dossiers devaient concerner ceux qui voulaient l'éliminer. Vous avez tout compris. Et pardonnez-moi, mais ces dossiers, comment dirais-je, qui sentent la basse police, ça ne ressemble pas au personnage Boulin que vous m'avez décrit. Écoutez, soyez pas naïf. On n'est pas ministre pendant autant d'années sans accumuler des informations précieuses et très confidentielles. Et Boulin comptait donc utiliser ces informations pour se sortir de ce piège qu'on lui avait tendu. Certainement. Alors maintenant, reprenons la chronologie. Les dossiers sont chez lui. Robert Boulin repart, il embrasse sa femme et lui dit qu'il a un rendez-vous avec son avocat. Il reprend sa voiture de fonction ? Non, non. Il congédie chauffeur et garde du corps en expliquant qu'il a un rendez-vous privé. Et il utilise sa propre voiture, une petite Peugeot. Et à partir de cet instant, c'est le mystère, car on ne reverra pas Boulin vivant. Ni son avocat, ni ses proches ne le reverront. Donc il a menti à sa femme en prétendant qu'il avait rendez-vous avec son avocat. Évidemment. Robert Boulin avait bien un rendez-vous, mais pas avec son avocat. Avec qui alors ? Avec ceux qui voulaient l'abattre, ceux qu'il avait l'intention de neutraliser en parlant des fameux dossiers confidentiels qui étaient en sa possession. Que contenaient les dossiers de Robert Boulin ? Des dossiers, je vous le rappelle, qu'on n'a jamais retrouvés. Monsieur X, à l'évidence, a des informations qu'il préfère taire. En effet, si j'ai bien compris, les personnes dont les noms étaient mentionnés dans ces dossiers sont des hommes influents et qui sont peut-être toujours en place. En m'intéressant à mon tour à cette affaire, j'ai retrouvé une lettre écrite en 1988, 9 ans après la mort de Boulin, donc, par Henri Tournet, le fameux ami promoteur, lettre écrite par Tournet au juge d'instruction Verlaine depuis son exil d'Ibiza. Tournet évoque cet épisode des dossiers et relate une conversation qu'il aurait eue avec Robert Boulin quelques mois avant sa mort. Je le cite. « Il m'a déclaré qu'il avait différents dossiers explosifs en sa possession, dossiers qui lui permettraient de contre-attaquer si nécessaire. Il a ajouté qu'il s'agissait notamment de l'assassinat de Louis de Broglie, ancien ministre. Effectivement. Il m'avait déjà parlé du cas de Broglie quelques années auparavant. Il mentionna aussi diverses combinaisons financières au préjudice de l'État, des irrégularités à la sécurité sociale et des informations sur les activités du SAC. L'affaire de Breuil, nous en avons parlé ici même avec M. X qui a démontré qu'elle avait fait l'objet d'un véritable escamotage et que les commanditaires de l'assassinat n'étaient pas ceux qui avaient été condamnés. Inutile donc d'y revenir. Par contre, les affirmations de Tournay quant à la sécurité sociale et au SAC recoupent étrangement ce qui a été dit précédemment par M. X. Reprenons donc la diffusion de ce nouvel enregistrement. La suite officielle, j'entends, vous la connaissez. Dans la soirée, la famille du ministre commence à s'inquiéter. Robert Boulin est un homme ponctuel. Et s'il avait eu un imprévu, il n'aurait pas manqué d'avertir sa femme. Alors on prévient la police, les autorités. Et la famille, toujours elle, cherche un indice, une explication dans le bureau du ministre. Au ministère ? Non, chez lui. Et c'est alors qu'on remarque dans la corbeille à papier des feuilles déchirées. En reconstituant les morceaux, on découvre tapé à la machine à écrire quelques lignes où Robert Boulin annonce son intention de mettre fin à ses jours. Il écrit exactement, si mes souvenirs sont justes, « J'envisage de me noyer dans un étang de la forêt de Rambouillet où j'aimais beaucoup faire du cheval. » Et ce texte est tapé à la machine, m'avez-vous dit ? Oui, comme les lettres que recevront le lendemain un certain nombre de personnalités et qui commencent par une phrase détachée « J'ai décidé de mettre fin à mes jours » et se terminent sur un autre feuillet par quelques phrases où Robert Boulin affirme préférer la mort au déshonneur. Et attendez, entre ces deux phrases-là, hein, au milieu, qu'y a-t-il ? Un long plaidoyer très étayé en faveur de son innocence dans l'affaire du terrain de Ramatuelle. Donc si je vous suis bien, les phrases qui font allusion au suicide se trouvent au début et à la fin. C'est exact. Et vous pensez qu'on aurait pu les ajouter ? Bien sûr. On sait, je vous l'ai dit tout à l'heure, que Robert Boulin a passé une partie de son dimanche à rédiger une réponse au journal Le Monde. Pour moi, il est certain qu'on a maquillé cette réponse en ajoutant les mentions faisant référence au suicide. Ouais, au début et à la fin. D'accord, mais maintenant, qui et comment ? Ça, croyez-moi, pour des hommes expérimentés, ça ne posait pas beaucoup de difficultés. Ouais, il fallait quand même pénétrer dans l'appartement de Robert Boulin pour procéder à cette falsification. Et puis, il fallait utiliser surtout la même machine à écrire. Alors pour ça, rien de plus facile. Il faut d'abord que vous sachiez que la porte de service de l'appartement fermait très mal à clé. Et cela, beaucoup de proches du ministre pouvaient le savoir. Mais il y a autre chose aussi. Une étrange visite que la famille Boulin a reçue en début de soirée. Et à raconter. Eh bien, un proche collaborateur du ministre s'est présenté. Et il a annoncé la mort de Robert Boulin. Puis, étrangement, il est allé dans le bureau du ministre où il s'est isolé. Et vous pensez que cet homme... Non, je ne pense rien. Je constate. Comment cet homme pouvait savoir que Boulin était mort, alors qu'à cette heure-là, le corps du ministre n'avait pas encore été découvert et que nul n'était censé savoir où il se trouvait ? Et pourquoi est-il passé dans le bureau ? Pour y falsifier les lettres ? Pour emporter les fameux dossiers ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que plus tard, cet homme dont je tais volontairement le nom a nié avoir rendu visite au Boulin ce soir-là. Nié ? Ouais. Il y a effectivement matière à s'interroger. Oui, mais dans cette affaire, il y a tellement de choses bizarres. Tenez, parlons maintenant de la découverte du corps et des événements qui ont suivi. C'est au matin qu'on trouve Boulin. Il se trouve dans un étang à quelques mètres de la rive. À cet endroit, la profondeur n'est que de 60 centimètres. C'est pas évident de s'y noyer, n'est-ce pas ? Oui, mais on a dit qu'il avait absorbé un médicament. Du Valium, oui, un tranquillisant. Un médicament qui a surtout pour effet d'annihiler la volonté. Est-ce le médicament que choisirait un homme qui a décidé de se noyer dans 60 cm d'eau et qui doit faire un effort considérable pour demeurer sous l'eau ? Mais s'il était somnolent ? Eh bien, à coup sûr, l'eau froide de l'étang, on était fin octobre, je vous le rappelle, lui aurait donné un coup de fouet, elle l'aurait réveillé. Autre fait étonnant, vous savez sans doute qu'on a retrouvé la voiture de Boulin à proximité de l'étang, à l'intérieur. Côté passager, il y avait des traces de boue. Qui a voyagé à côté de Robert Boulin ? Qui a abandonné dans le cendrier un mégot de cigarette brune alors que le ministre ne fumait que des cigares. Bon, autant de questions qui sont restées sans réponse et qui n'ont pas fait l'objet d'une enquête approfondie, enfin c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois aussi me rappeler, parce que j'ai suivi comme tout le monde cette affaire à l'époque, qu'on a évoqué des marques de coups sur le visage du ministre. C'est juste, et là encore, de nombreuses questions se posent. Ah, expliquez-moi. Et bien, tous ceux qui ont assisté au repêchage du corps de Robert Boulin ont noté que son visage portait de nombreuses ecchymoses. Des témoins ont même affirmé que Boulin avait un faciès de boxeur lorsqu'on l'a sorti de l'eau. Et naturellement, l'autopsie signale ces marques, tout en les qualifiant toutefois de légères. Mais comment il a fallu quand même expliquer ces petites ecchymoses-là. Eh bien, en tombant dans l'eau, le ministre se serait blessé. dans l'eau. Ça a été étrange. Oui, très étrange. Surtout quand on pense que très vite, on a procédé à l'embaumement du corps sans même attendre les instructions de la famille. La famille qui n'a pas eu la possibilité de voir le corps avant cette opération. Vous voulez dire qu'on a fait en sorte que les Boulins n'aperçoivent pas ces traces sur le visage du ministre? Je n'en sais rien, mais je vous le laisse conclure. Par contre, ce que je sais, c'est que sur instruction formelle du procureur de la République, il n'a pas été procédé à un examen du crâne. C'est bien dommage. Et pourquoi? Parce qu'une contre-autopsie exigée bien plus tard par la famille permettra de mettre en évidence une fracture du nez et une autre au maxillaire. Avouez que Robert Boulin a touché la surface de l'eau de manière vraiment très très violente, non? Vous laissez donc entendre que la première autopsie a été négligée. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Aucun examen anatomopathologique n'a été pratiqué. Aucune recherche non plus sur les poumons de Boulin. Or, seul un examen sérieux de ses poumons aurait pu démontrer que le ministre s'était vraiment noyé. Ou qu'au contraire, on l'avait précipité dans l'eau alors qu'il était déjà mort. Et puis il aurait fallu encore expliquer pourquoi sa chemise était déchirée dans le dos. Un détail que la famille n'apprendra que des années plus tard. Vous portez quand même des accusations extrêmement graves. Mais comment pourrais-je réagir autrement? Imaginez que les bocaux contenant les viscères de Robert Boulin ont mystérieusement disparu de l'Institut médico-légal, sans même que le juge d'instruction en soit informé. Ainsi, il n'était plus possible de demander une quelconque contre-expertise, en particulier à propos du valium que le ministre aurait ingéré ou de l'eau présente ou non dans ses poumons. Avouez, ça fait quand même beaucoup, et encore, je ne vous dis pas tout. Alors, ça veut dire, selon vous, on résume, hein, qu'on a essayé de maquiller ce faux suicide. Ça me paraît évident. Ouais. Mais ça implique pas mal de complicité, non? Et à des niveaux très élevés. Donc, complicité peut être un bien grand mot. Vous savez, quand un fonctionnaire de quelque importance reçoit l'ordre de fermer les yeux ou de ne pas faire preuve de trop de curiosité, en général, il obéit. Ouais. Et pourtant, précédemment, vous m'avez dit que vous ne croyiez pas à la version de l'assassinat. Alors, selon vous, que s'est-il réellement passé? Comment Robert Boulin est-il mort s'il n'a pas été assassiné et s'il ne s'est pas suicidé? Eh bien, réfléchissez, il y a une troisième solution, celle de l'accident. Je comprends pas. Mais si. Représentez-vous la scène. Boulin a rendez-vous quelque part en forêt avec ces mystérieux personnages qui ont monté cette manipulation contre lui. C'est la manipulation des terrains dramatiques. Oui, mais Boulin les met tout de suite en garde. Attention, moi aussi j'ai des munitions. Ça, c'est les dossiers qu'il détient. Bien sûr. Assez vite, la discussion dégénère, on s'affronte, et pas seulement à coups d'arguments. Robert Boulin se débat, il essaie de s'échapper, et soudain c'est l'accident. Il tombe lourdement, chute mortelle. Ça, c'est une scène que vous avez imaginée? Où vous avez des informations? Ben, écoutez, je n'ai pas l'habitude d'inventer, vous commencez à me connaître. Ensuite, après ce malheureux accident, il restera à ces distingués personnages de faire en sorte que la mort de Robert Boulin ait toutes les apparences d'un suicide. Ben, ils avaient les capacités pour le faire, et les hommes aussi. À ma connaissance, un journaliste au moins a évoqué cette thèse de l'accident. Dans Le Matin du 30 mai 1983, Jacques Baslon fait allusion à un rapport secret adressé au directeur de la PJ, rapport qui raconterait précisément ce rendez-vous que Robert Boulin avait en forêt avec plusieurs personnes et l'accident mortel qui s'en est suivi. D'autre part, dans L'Humanité dimanche que j'ai déjà cité, Serge Garde produit en 1988 le témoignage d'un certain Hermann Stromberg. Celui-ci affirme avoir été présent lors du rendez-vous, en compagnie, précise-t-il, de deux ministres en exercice, de deux policiers de haut niveau et de quelques gardes du corps. Vérité, affabulation ou nouvelle manipulation? J'avoue que je ne peux pas trancher. Et vous l'avez compris, M. X ne semble pas décidé à m'en dire plus. Un dernier mot. Un écrivain, Patrick Rambaud, le nouveau prix Goncourt, a publié un roman chez Grasset, La mort d'un ministre. Il s'agit donc d'une fiction. Mais la réalité est transparente. Il s'agit bien d'une transposition de l'affaire Boulin, une transposition qui n'est guère éloignée de la version que vient de me donner M. X. À samedi prochain.